et des températures enfin en hausse. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie Van Kutsem. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Lille en noir, jaune, rouge ce soir. La ville accueille le match que vous serez nombreux à regarder. Belgique, Pays de Galles, quart de finale. Énormément de supporters belges se rendent à Lille. La ville attend plus de 100 000 personnes. Mais attention, ça coince déjà sur les axes vers la ville depuis la Belgique. 17, 42, 19. On fouille également tous les véhicules à la frontière française pour confisquer l'alcool et les engins pyrotechniques, autant le savoir. Alors cela n'a pas découragé tout le monde. Arnaud Montero a rencontré des supporters en route vers Lille, à une pompe à essence de Saint-Guilain, près de Mons. Ça a l'air d'être la forme déjà. Ah bah c'est bien super parti, c'est très bien parti en effet. Bonjour messieurs, vous avez acheté quoi vous? La bière. De la bière. Pour de quoi faire la fête avant le match, c'est ça? De la bière, ah bah oui, hein. Il faut bien, pour aller là-bas en force. Ça va, il y a de l'ambiance ici dans la voiture? Ça va encore, ça va, on est chaud à mort, on est chaud, on est chaud. Vous allez où là? À Lille. À Lille. Et vous allez où? Dans le stade ou? Non du tout, on va autour. Donc vous allez à l'aventure là. Voilà, exactement, on va essayer de trouver des gens. Vous n'avez pas peur d'être déçu ce soir? Non, absolument pas, parce que moi je dis que le foot, il faut vivre comme il est en fait. Je veux dire, perte ou gagner, je veux dire, il faut rester le supporter qu'on est. On gagne, c'est bien, on perd, tant pis, mais je veux dire, la vie, elle continue pour autant. Voilà, un supporter très philosophe, comme vous l'avez entendu. Alors, au sujet des contrôles pour l'alcool, ils sont d'actualité aussi dans les trains, donc prenez vos précautions. Sur l'aspect purement sportif, maintenant, le Pays de Galles est un adversaire à ne pas prendre à la légère, même si la Belgique est la deuxième nation mondiale et les Gallois 26e. Les Belges n'ont jamais battu le Pays de Galles lors de leurs trois dernières interventions. En qualification pour l'Euro, les Gallois, je vais y arriver, ont même pris 4 points sur 6. Alors, faut-il tenir compte de ces résultats récents avant le match de ce soir? L'entraîneur gallois, Chris Coleman, répond très clairement non. No, you know, they'll know all about us. Non, ils sauront tout sur nous et nous savons tout sur eux. Et c'est un match à part, c'est un quart de finale. Ce n'est pas comme lors d'une campagne qualificative ou dans un match de groupe avec d'autres possibilités derrière. Ici, tout se jouera aujourd'hui. Donc la forme et les résultats précédents, vous pouvez les jeter par la fenêtre. Il faudra essayer d'appliquer notre plan. C'est la seule chose sur laquelle nous devons nous concentrer. Et il n'y a pas que le football dans l'actualité du jour. En Autriche, il va falloir tout recommencer. Le deuxième tour de l'élection présidentielle du 22 mai dernier a été déclaré invalide par la Cour constitutionnelle. Des négligences ont été constatées dans le comptage des voix par correspondance. Voilà qui arrange Norbert Hofer, le candidat du parti d'extrême droite, qui avait perdu de justesse et introduit un recours. Son rival, le candidat écologiste Alexander Van der Bellen, voit donc sa victoire remise en jeu. Il s'est déclaré très confiant pour une nouvelle victoire. La tenue du nouveau scrutin n'a pas encore été déterminé, mais il pourrait se tenir fin septembre, début octobre. Chez nous, quelques centaines d'étudiants et jeunes diplômés en psychomotricité ont manifesté aujourd'hui sous les fenêtres du cabinet de la ministre de la Santé, Maggie Debloc. Ils réclament toujours la reconnaissance de la psychomotricité comme profession paramédicale par le gouvernement fédéral. Une délégation a été reçue par la ministre. La FEF, la Fédération des étudiants francophones, estime qu'il n'en est rien ressorti pour l'avenir de la profession. La FEF qui affirme qu'elle continuera la mobilisation. Et il y a aussi du tennis dans l'actualité du jour. À Wimbledon, une mise en bouche sportive avant le match de l'Euro ce soir. Un Belge, David Goffin, affrontera à 18h30 l'Ouzbek Denis Istomin, 116e mondial. Un match qui a déjà été reporté deux fois aujourd'hui à cause de la pluie. Voilà pour les infos, merci de nous suivre. Toute l'info est sur rtbf.be. C'est presque sérieux, c'est avec vous Walid et toute votre équipe. Merci Marie, retour de l'information avec vous tout à l'heure à 16h30. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux. Walid, sur la première, c'est presque sérieux. Cabinet Théo Franken pour contrôler les appareils électroniques de toutes les personnes suspectes. Donc tout le monde ici va y passer. Allez hop. Bon, évidemment, je commence par vous, hein, Walid. Une BMW, une villa aux Zoutes, une autre BMW, un selfie avec Benjamin Maréchal. Bien essayé le coup du mot aussi, j'ai un ami comme vous. Mais on ne me la fait pas. Un internaute a mis le discours de Boris Johnson sur Pornhub avec un titre évocateur. Trump, British Blonde, Fox... Oui, 15 ouais. millions. 15 millions. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, Engel a une forte image de Marx? Oh, c'est joli, oui, c'est joli ça. On va le dire, à partir de maintenant, on va le dire. Merci Walid, celle-là je vais la reprendre, je vais la mettre sur ma page Facebook. Je tombais tiens, sur une photo sur les réseaux sociaux avec Ribéry et Deschamps, et la légende c'était « Moi, moche et Deschamps ». Je trouvais ça drôle, j'avais envie de le partager avec vous. Là, c'est vrai, je vis un gros drame parce que mon femme Cameron, elle a demandé le Brexit. Je ne comprends pas. Bah, c'est simple, on habite à Brie, elle veut plus vivre avec moi, elle a demandé le Brexit. J'étais tellement énervé sur mon femme que j'ai balancé tous ces disques de Jacques Brel par la fenêtre en criant « Tiens, voilà déjà un Brelzit ». Et vous vous souvenez des premiers mots couchés sur le papier? Oui, du tout, c'était un alexandrin. Vous vous en souvenez encore? Oui, alors voilà, mais ça reste entre nous. Allez, oui, personne n'écoute. Voilà. Okay, bah, il paraît. C'est prouvé. C'était une perche que vous avez tendue. Qui entend vous faire un reproche, répondre que c'est faux, absolument faux, tout à fait faux, que vous n'avez jamais rien entendu d'aussi faux, que c'est de la désinformation pure et simple. Démonstration. Bon, monsieur le ministre, une première question. C'est faux. Oh mon Dieu, il craque. Le burn-out est arrivé, enfin. Mais écoutez, Walid, moi j'ai envie de vous dire, revenez de longues années, parce que j'étais un fan du jeu d'Edico, et c'est la première émission qui est vraiment l'héritière et qui reprend le flambeau. Eh ben, et je m'amuse autant. On l'a gravé dans le marbre. Plaisir, Olivier. Vincent, vous, ouais. Sincèrement, vous savez, sincère. Ah, mais ouais. Vous me faites vraiment plaisir. Ah bah, ça se voit ou pas dans mes yeux? La première. Ouais. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Les vacances sont là et c'est presque sérieux. Fidèle au poste jusqu'au 15 juillet dans une version estivale où nous ne passerons pas la pommade à la Q1. Non, c'est pas le genre de la maison. Un hein. Cocktail de bonne humeur et d'infos d'un côté, de la presque crème solaire de l'autre. Bref, un show imprévisible que nous vous servirons avec toute l'impertinence, l'autodérision et la curiosité que vous nous connaissez. Et en ce vendredi, jour de départ pour certains, elle vous accompagne sur la première quand il donne son nom, Honoré. Mais on a tendance à lui répondre, moi aussi. Sergio Honoré, bonjour. Bonjour mon petit Walid. Tout le monde connaît la chanson « Vacances, j'oublie tout ». Eh bien, vous allez succomber à l'appel de notre sirène de l'actu, Cynthia Isarelli. Bonjour Cynthia. Mais bonjour Walid. L'actu en solde, ce n'est pas son truc. Hein. L'info avec elle, bien vous en payerez le prix fort les amis. Oui, elle est avec nous, c'est Catherine Ronvaux, bonjour. Bonjour Walid. Même sur une île déserte, il vous proposerait de faire une plancha. C'est le Carlos de la bande FM, Raoul Reyes. Oui, mais quel bazar sur les routes. Ah, quel bazar sur les avec routes. Avec ses départs en vacances. Ah, prenez le bateau, tiens, justement. Amoureux de la mer, la croisière s'amuse avec le pirate de la désinformation, Vincent Flibustier. Bonjour. Bonjour, Walid. Tiens, les soldes démarrent, vous le savez, amis juilletistes, et on peut compter sur notre homme sandwich hein, pour la promo et la préparation de cette émission. À Jacques Boulèche. Notre homme sandwich. Ah, ça serait bien dans un sandwich. Arrêtez de l'embêter. On a envie de la croquer. Oui. Tiens, lui, il tient la caisse, notre réalisateur, Laurent Nélissen. Vous l'avez compris, l'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rions. Merci en ce premier jour de vacances pour la plupart d'entre vous. Et bien sûr, la première d'être presque sérieux. C'est presque sérieux. C'est la première. Au menu de 7h30, nous allons nous intéresser à l'actualité, la corriger à notre manière. Vous le savez, Sergio Honoré commentera pour nous la grille d'été de la RTBF. On parlera des femmes, hein. Vous les femmes, oui, avec Catherine Ronvaux et le Brexit. Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Hein. Ah ouais, mais vous en même temps, vous revenez de vacances. Mais c'est pour ça, ah, oui. Donc, ah, vous, ah bah, on va en apprendre des choses avec vous. Le Brexit linguistique, ce sera au menu de 7h30. Puis des cadeaux que nous allons vous offrir. 4 places pour le pass, le musée des sciences à Frimerie, ainsi qu'une clé USB aux couleurs de la première. Pour le qui a dit du jour, venez participer avec nous, envoyez simplement ces 3 lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Est-ce que vous voulez la phrase? Oui, ma foi. Vous voulez la phrase? D'accord. Qui aurait pu dire dans l'actu, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre? Ça a déjà été dit. Oui, je veux pas, je veux ça a déjà dire, été dit. Mais... Ah, ça a déjà été dit. Mais qui aurait pu le dire dans l'actu récemment? Ce sera à vous de proposer à l'un ou l'une d'entre nos auditeurs qui écoutent cette émission jusqu'à 17h30. Et là, rentrons dans le vif du sujet avec la une du jour. C'est la une. Deux infos, deux extraits musicaux. Pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Et à vous de déterminer justement de quelle actualité il s'agit. Écoutez. Ma pomme, c'est moi. Facebook, tu me déconnes des likes comme tous les ploucs. Facebook. Alors, Aurélien Lehmann, hein, vous le connaissez, bien sûr. Évidemment, je connais connu sa sœur. Oui, Facebook. Son frère Dominique Lehmann. Oui. Moi, j'ai connu tous ces frères. Les Man Brothers. Les Man Brothers aussi, oui, ça marche bien. Mais revenons sur Maurice Chevalier, que vous avez bien connu aussi, bien sûr, avec Ma Pomme, Ma Pomme. De quoi s'agit-il ? Est-ce que ça a un rapport avec les chevaliers ? Ah, les chevaliers. Les chevaliers. Lesquels ? Les Franchimont, toi, les... Non ? De la Table Ronde. Non, pas cela. Il n'est pas question de chevalier. C'est la journée mondiale du reggae. Non. C'est la journée mondiale de la pomme. Alors, on parle de pomme. Ah ouais. Alors, le champagne. Le champagne, pourquoi ? Le cidre. Le cidre, oui. Ouais, non, c'est pas ça, non. Il a été prouvé qu'une pomme par jour tenait vraiment le médecin éloigné. C'est vrai. Mais il faut bien aussi viser. Alors, à votre avis, de quoi s'agit-il ? Ordinateur ? D'ordinateur, allez plus loin, préciser. Apple. Bon, allez, Apple, c'est bien parce que indirectement, vous pensez que je n'ai pas l'œil, que je ne vois pas, que je ne regarde pas. Et Catherine Ronvaux a glissé l'œil sur notre réalisateur, Laurent Nélissen, qui lui a montré son téléphone. Donc tout le monde sait que Laurent Nélissen. C'était de la drague, finalement, ton numéro. En fait, tout le monde sait qu'il a un Samsung. Voilà. Non, donc voilà. Il est question ça, c'est d'Apple. Moche quand, attendez. Oui. Ça, c'est moche. Pourquoi ? Bah, qu'il n'y avait pas un téléphone comme les autres. C'est vrai. Il est différent. Bon, alors, il faut le respecter. Alors, on parle de la marque à la pomme, mais pour quelle raison dans l'actu du jour ? Un procès. Ça va mal. Est-ce que c'est cette histoire d'Apple qui veut vous empêcher de prendre des photos pendant les concerts ? Oh, on en a déjà parlé. J'étais en vacances. Ah, ben, voilà. Vous savez que le podcast existe. Oui. Ah, ouais, j'avais pas internet. Vous savez que le 3G, la 4G existe aussi. On ne paye pas. Mais tu as vu quel prix ? Alors j'ai entendu Sergio Nore donner une piste de réponse. Alors, je sais plus où elle est. Est-ce que c'est ce fou qui dit avoir inventé l'iPhone il y a genre 30 ans et qui réclame 10 milliards à Apple, un truc de fou comme et ça bien, effectivement. Parce qu'il avait dessiné, déposé un brevet. Un homme originaire de Floride aux États-Unis affirme avoir créé l'iPhone avant l'heure et réclame donc que le géant Apple lui paye 10 milliards de dollars, soit plus de 9 milliards d'euros. Oh, pour avoir donc volé ses idées. Il s'appelle Thomas Ross. Il pense être le véritable cerveau derrière l'iPhone et il en veut pour preuve ses plans déposés en 1992. Donc il les a déposés, ses plans. Oui. Mais à noter quand même que déjà avant l'iPhone, il y avait déjà les Palm et des trucs que Microsoft avait sorti aussi. Donc le concept existait déjà. Attendez. Il y a des plans qui ont été déposés, ou presque, puisque sa demande de brevet a été abandonnée en 1995. Ah oui, puisqu'il n'a pas régularisé le paiement du brevet. Donc voilà. Et donc il attaque. M. Ross a attaqué l'autorité américaine responsable de cet abandon en juillet 2007, 12 jours après le lancement du premier iPhone, souvenez-vous. Il y a très peu de temps, là, c'était cette semaine, on célébrait les 9 ans de ce smartphone. Ah oui, puisque. Et donc il a attaqué tout de suite, c'est ça. Et on s'est aperçu qu'il avait attaqué seulement maintenant. Oui, Apple. Ils sont longs, les Américains, hein, ils sont lents. Mais en tout cas, on attend de voir. Est-ce que vous pensez qu'il. Qui va aller qui loin. Qui va mettre en Apple. À mon avis, si on lui donne 100 dollars, il sera content. Il ira en Apple. Oui, c'est ça. Bien joué, Catherine Ronvaux. Mais je la lisais dans vos yeux. Ouais. Ben merci. Deuxième extrait, deuxième info, écoutez. Facebook. Alors, là, on est dans la technologie. J'ai décidé en ce vendredi de faire dans la technologie. Et dans le léger. Vous êtes très geek. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans de l'info geek. De quoi s'agit-il ? Pourquoi Facebook ? C'est Facebook qui a perdu son procès en Belgique, qui va pouvoir continuer à pister ses utilisateurs au niveau de la géolocalisation. Alors, il n'a pas perdu, il a gagné. Ah oui, il a gagné. Oui, c'est ça, l'État a perdu. Facebook gagne son combat contre la Belgique autour de la vie privée. La Cour d'appel de Bruxelles a rejeté donc l'action intentée par la Commission de protection de la vie privée contre Facebook Irlande, responsable donc des données collectées en Europe, qui stocke donc les données issues des États-Unis et du Canada. Et Facebook Belgique, c'est ce qu'on a appris dans la presse cette semaine. Eh bien, début novembre, le juge des référés avait donc décidé que Facebook ne pouvait plus enregistrer les habitudes de navigation des non-inscrits. Vous savez, donc avec ces fameux cookies. On sait exactement sur quel site vous allez, ce que vous consommez de manière récurrente et que donc on fait du marketing ciblé via ces fameux cookies que Facebook bien revend à des millions. En tout cas, ça fait un petit peu peur quand on entend que Facebook gagne le procès. Ouais. Je sais pas, moi ça me... Et donc, effectivement, la Cour d'appel de Bruxelles a considéré qu'elle n'était pas compétente en ce qui concerne Facebook Irlande et Facebook Incorporation, et que l'action donc engagée en référé à l'encontre de Facebook Belgique par la Commission de protection de la vie privée n'était pas urgente, dans la mesure où les cookies collectent des données depuis 2012. Ah, mais donc, ça veut dire pas compétente, ça veut dire j'en sais rien. On se demande ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a, avec le retard judiciaire, on comment ils ont fait? Non, donc voilà. Je crois qu'il n'y a pas plus parano que Mark Zuckerberg. Mark, si tu nous écoutes, je te like. Je te like, Marco. Tiens, dans la suite, on va liker l'actualité. Elle sera commentée cette fois-ci par Sergio Noré, qui commente pour nous la grille d'été de la RTBF. Et puis, je vous incite à vous inscrire. CPS au 6031. 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Si vous voulez repartir avec des passes pour le pass, justement, on en a 4 de places à vous offrir, ainsi qu'une clé USB la première. CPS avec vos coordonnées complètes, nom, prénom et adresse au 6031. 75 centimes le message. Vous voulez connaître ce que nous réserve la grille de cette grande maison qui est RTBF? Oui, bien sûr. Comme ça, on va savoir ce qu'on va faire. Eh bien, restez sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Vendre en viager, c'est bien moins compliqué qu'on ne le croit. Le spécialiste de Trévi Viager m'a tout expliqué. Et aujourd'hui, ma maison est vendue. En plus, le paiement de ma rente est garanti par une assurance. Je peux pleinement profiter de la vie, et sans souci d'argent. Trévi Viager, faites confiance à des professionnels. 02 343 22 40. Elle est pas belle la vie? Chez Bricoplanit, ce dimanche 3 juillet, moins 15% sur tout. Plus d'infos sur planit.be. Bricoplanit, tout pour la maison. Et vous, vous faites quoi ce week-end? La semaine a été dure, donc juste un petit resto parce qu'on est un peu fatigué. Nous on est en vacances, alors on fait la fête! Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous, mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'Agence Wallonne pour la sécurité routière. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. La première, Mobile Info. Et en ce vendredi 1er juillet, faisons un point sur vos conditions de circulation et la RTBF, un œil sur tout, n'est-ce pas, Pierre Collard-Bovy, même dans le ciel. Mais oui, mais dans le ciel, pour l'instant, on n'a pas la liaison avec l'hélicoptère, le mobicoptère Etias, mais voilà, je peux vous dire quand même que sur les abords de la France, donc sur les autoroutes qui mènent à Lille, ça coince pas mal, puisque sur le 17 venant de Gand, à partir de Albé, que vous perdez une trentaine de minutes, 35 minutes perdues également sur le 42 à 8 venant de Tournai, à partir de Tournai, et sur le 19 venant de Mons, à partir d'Autrage, vous êtes ralenti également et vous perdez une vingtaine de minutes. Des travaux sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, entre Nîmes et Mons, vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Valenciennes. Sur le ring de Bruxelles à présent, eh bien 40 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 28 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 20 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 19 pour l'intérieur au titre Grand Bigard, plus 15 pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 11 minutes pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Vous êtes ralenti également dans quelques tunnels de la capitale. Et puis, je l'avais annoncé tout à l'heure, bonne nouvelle, la bretelle sur le ring de Bruxelles, dans l'échangeur de... Oh, j'oublie maintenant, l'échangeur de... Enfin, la bretelle dont on parlait, qui a fermé depuis deux jours, est rouverte à la circulation. Voilà. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. Ah, les vacances d'été démarrent et nous nous régalons d'être à vos côtés jusqu'au 15 juillet. Nous serons de retour le 22 août. Ah ouais, alors là... Ah, vous n'étiez pas au courant? Non. Ah bah moi non plus. Ah bah oui. Nous allons passer... La direction est au courant. Oui, la direction est au courant. Oui. On a un peu discuté. Voilà. En fait, ils ne sont pas au courant. Ils la prennent en direct. En attendant, nous allons nous intéresser à ce premier jour de vacances avec Sergio Honoré. Vous partez les pieds dans l'eau, profitez du soleil, bronzez en Neckermann, Sunsnack ou Jeter. Eh bien, nous pas. Nous, on bosse, oui. Et malgré certains esprits chagrins qui pourraient croire que ce serait plus facile si on ne bossait pas. Mais ben c'est vrai. Hein. C'est l'été, c'est le soleil, les apéros en terrasse, les jeunes filles en petites tops sexy, les inondations, les déluges, les grèves et surtout la grille d'été des programmes radio et télé. Enfin, c'est vite dit. Rediffusion, réédition, re-rediffusion, re-re-re-re-re-rediffusion. Pendant l'été, c'est du light, du allégé, du sans sucre. C'est parfait pour le diabète de notre ami Raoul. Ah bah oui. Alors, pourquoi allège-t-on les programmes ? Pourquoi ? Eh bien, parce que vous êtes bien moins à écouter, parce que vous êtes en vacances à l'étranger et que de Torremolinos à Bali en passant par Koh Samui, les émetteurs de la RTBF ne sont pas assez puissants pour vous atteindre. Donc, si vous êtes beaucoup moins à écouter, on ne va pas dépenser du bon argent de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour réaliser des émissions pour les trois péquenots qui ont réservé des vacances à Zakopane parce que c'est moins cher hors saison. C'est faux, monsieur, je m'assure. Il y a des émissions qui se mettent en place. Oui, j'aurai le plaisir de présenter les Francofolies encore cet été. Et oui, on mobilise les moyens. Sur la première, tout à fait nouvelle. C'est vrai. L'émission avec Benjamin Lepart, la Croque Monsieur. Non, c'est Globetrotter, mais j'aime bien l'appeler. J'aime bien l'appeler Croque Monsieur. Il doit être content, ça rend honneur à son travail. Non, mais je promets, je l'ai croisé dans les couloirs la fois passée, j'ai fait, c'est un Croque Monsieur. Et il était mort de rire. Et donc, justement, Walid, il y a une époque pour faire des économies, c'était il y a bien 20 ans, la saison d'été de la RTBF commençait le 30 mai et finissait fin septembre. 4 mois de programme allégé. 4 mois de diffusion. Ah oui, à l'époque, on savait faire des économies. Et ça me fait penser à ce que m'avait confié à l'époque un comptable de la RTBF. Et je vous jure, Walid, que c'est vrai. Ah. Vous savez, la RTBF, ça irait bien mieux s'il n'y avait pas toutes ces émissions à faire. Je vous jure que c'est vrai. Je me souviens. Et quelle bonne idée. On ferait comme toutes ces entreprises en restructuration, vous savez, les employés en âge de retraite ne seraient pas remplacés et nous, on ferait disparaître les émissions comme ça, sans rien dire, à la faveur de la grille d'été. Tiens, entrer sans frapper, ça n'existe plus, ça. Ah tiens, non, tiens, ça a disparu de la grille, tiens, pendant l'été, hop, hein. Et qu'est-ce qu'il y a à la place ? Rien. Et au bout des quelques mois, comme ça, eh ben, il n'y aurait plus d'émissions. Et pour vous et pour nous, plus de soucis. Tiens, qu'est-ce que tu fais comme boulot, toi ? Je travaille à la RTBF. Hein, connais pas, c'est quoi ? Oh, c'est de la télévision et de la radio. Jamais entendu parler. Normal, on ne fait pas d'émissions. On s'est rendu compte que c'était bien trop d'ennuis. Alors on a arrêté. Maintenant, on peut vraiment faire des choses sérieuses. Et, par exemple, il y aurait des restaurants, comme ça, des restaurants où on ne mange pas. Tiens, on a été au Céleri Rave hier soir. Et qu'est-ce que tu as mangé ? Ah, mais on ne mange pas au Céleri Rave. Hein. On a pris un concept de chipoture de légumes et avec une sensation de filet d'aubrac. C'est délicieux. Ah, non, ça n'est pas délicieux, ça a l'air délicieux. Et alors tu sors de là, mon vieux, pas de ballonnement, pas de crampes d'estomac, pas de cholestérol. Alors, mais avec une belle addition. Oui, il faut y penser. Belle addition. Et donc c'est une solution de bon sens. Hein. Par exemple, en déficit constant, la sécurité sociale, des médecins trop payés qui se plaignent, des infirmières trop mal payées qui se plaignent et qui en plus font grève pour résoudre ce problème, supprimons les malades. Ah oui. Et voilà, tous les problèmes sont envolés. Hein, une gestion saine. Pourquoi s'emmerder avec des cancéreux chichiteux, des victimes de l'amiante ou des bras cassés qui réclament qu'on leur remonte l'oreiller ? Non ! Alors qu'il y a bien mieux à faire. Un problème à la SNCB, arrêtons les trains. Bah la poste, ça, oui. Ah, plus de lettres, plus de recommandés, plus de petits paquets. Et le service public retrouve bonheur et joie de vivre. L'Athénée Madeleine Jacquemot ne se sent pas bien, les élèves indisposent la Madeleine à la porte des élèves, les assurances ne font pas assez de gros bénéfices, mettons les assurés dehors, la Wallonie va mal, virons les Wallons, ce sont eux qui créent des problèmes. Une Wallonie sans Wallons et vous allez voir comment on va péter des flammes. Hein. Et c'est une solution, ah oui. Je pense que c'est une solution pour la Belgique, c'est ça la solution. Si on n'arrive pas à s'entendre entre Wallons, Flamands, Bruxellois et tous ceux qui arrivent d'Iran, d'Irak, etc., c'est à cause des Belges. Virons les Belges, on les met tous dans des trains et hop, direction l'Iran et l'Afghanistan, et vous allez voir comment on va être heureux. Tiens, virons les Belges, peut-être pas aujourd'hui, hein, ce jour de match où les Diables affrontent Pays de Galles. Ils s'en vont tout seuls, ils partent en vacances. Ah, non, mais il faut pas. Tiens, en parlant de foot, vous avez vu ce joueur du Pays de Galles qui avait pris des billets, enfin, en tout cas, c'était un petit cadeau de sa femme. Pour le concert de Beyoncé. Oui, alors qu'il n'avait pas prévu d'arriver jusque-là pour l'Euro 2016. Que vous suivrez en noir. Tout à l'heure, sur la Une Télé, forcément, et on souhaite beaucoup de courage aux Diables, tous ensemble, bien entendu. Allez, après cette grille d'été revue et corrigée par Sergio Noré, passons au top 3 de Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Qui, contrairement à la grille d'été, n'a rien d'allégé. Non, mais Sergio a oublié quelque chose dans son énumération. Dites-moi. Là. Les intercommunales wallonnes. Ah oui. Ah oui. Ça, je crois qu'on pourrait commencer par... On vire les communes, il n'y a plus d'intercommunales. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Allez, trois titres en numéro 3, Raoul. Amener son chien au bureau est de plus en plus tendance. C'est vrai, j'ai vu ça. Ah oui, oui, donc les entreprises, beaucoup d'entreprises... font des espaces de travail ouverts aux animaux. Imaginez ce que ça ferait ici. Ah, Jacques, tu veux bien surveiller Helmut, mon berger allemand, pendant l'émission, hein? N'aie pas peur, il est gentil. Helmut ne grimpe pas comme ça sur Ajar. Helmut, attention. Ajar, il va voler Chris Paul, le chihuahua de Monsieur Philippot qui nous l'a confié quelques minutes. Non, non. Ah, trop tard. Wow. Quel sketch. Quelle intensité dramatique. Il faut dire que j'ai cru pendant un instant qu'en plus de la prendre pour un homme, vous avez pris Ajar pour un chien. Je me suis dit, mon Dieu. Mais Vincent, que j'ai pensé la même chose. Et oui. Le grand retour de la fiction radiophonique. Écoutez, je vous promets que d'ici la semaine prochaine, puisqu'Ajar partira en vacances la semaine prochaine, on va lui offrir un bouquet de fleurs. Mais oui. Ouais. Ah, un gros. Ouais, qu'on ira cueillir ainsi dans le parc. Des pistes en ligne. On ira les cueillir au clos des fusillés. On ira récupérer des couronnes, vous savez, il y a plein de trucs. Ah, il y a un cimetière ici. Non, je l'ai déjà fait. Regrets éternels. C'est pas terrible. Puis bonnes vacances, marqueur dessus. Les escrocs. Allez, en numéro 2. Quand voulez-vous qu'on se concentre? Eh bien, pour en revenir aux chiens, encore des camions-restaurants pour chiens arrivent aux États-Unis et notamment à Seattle. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle ça? Des doc-trucs? Oui. Oui. Et donc, par exemple, celui-là, le menu, c'est cupcake au bacon, bretzel au beurre d'arachide et à la citrouille, ou des beignets au fromage et plusieurs autres gâteries. Moi, je mangerais bien ça. Il n'y a pas de sous-métier. Oui, c'est pas mal. Hein. Mm-hmm. Et donc, oui, mais enfin, vous imaginez, le chien, il paye comment? Je crois qu'il ne vient pas tout seul. Et donc, l'argent des pourboires ira directement à un organisme Old Dog Heaven qui prend les vieux chiens âgés. Attendez, vous faites bien de dire une chose, vous faites bien de dire comment est-ce que le chien va payer, parce que la grande question, c'est comment est-ce que le chien va choisir? Oui. Oui, bah, il fout sa truffe, je suppose qu'il a le choix. Attention, pas la truffe sur ça. Non, on ne peut pas. Et l'AFSCA qui va débarquer. Oui, donc l'argent va à une organisation pour vieux chiens. Ouais. Et donc ils viennent de créer la seigneurie pour chiens. Ah, c'est beau. C'est génial, quoi. On n'a pas ça ici. Et tiens, justement, c'est l'été, et donc qui dit été dit abandon d'animaux. Hein, Mais les gens font vraiment ça. Toujours vraiment demander comment c'était possible que les gens se disent tiens, je vais attacher mon... C'est très simple, ils partent en bagnole sur l'autoroute et ils abandonnent leur animal de compagnie, soit ils abandonnent leur belle-mère. Donc à un moment donné. Leur belle-mère, c'est plus rare. Donc c'est vrai. C'est plus difficile. Allez, en numéro 1. Numéro 1. Le titre du jour qu'il fallait presque lire. Écoutez, Walid, j'ai trouvé le sommet de la crétinerie, le paroxysme de l'imbécilité, le comble absolu du trou de balisme. Dites-moi, c'est beau ça. Pour remplir sa piscine, un YouTuber a choisi du coca et des Mentos. J'ai vu ça aussi. Vous avez vu? 5678 litres de coca, un seau rempli de Mentos et 90 kilos de glace. C'est ce qu'on appelle un jacuzzi. Oui, voilà. Et il a foutu tout ensemble et ça a juste fait putsch. Il n'a plus de piscine. Séquence avec bruitage. Et donc le gars pensait avoir un geyser dans son jardin. Ouais. Ça fait putsch. Oui, parce qu'il y a plein de gens qui essayent, ça ne marche que dans une bouteille, très fermé, pas dans un verre. Il faut une compression du gaz en fait, sinon ça ne fonctionne pas. Petit con. Allez, c'est sur cette belle phrase signée Raoul Reyers que nous vous invitons à jouer avec nous au qui a dit du jour. Je vous rappelle, tiens, le qui a dit, qui aurait pu dire on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. À vous de le déterminer parmi les propositions que nous vous ferons, et nous vous offrons 4 entrées pour le pass, le musée des sciences à Framery, ainsi qu'une clé USB la première. Comment faire pour repartir avec ces beaux cadeaux? Bien, inscrivez-vous en envoyant ces 3 lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. On s'informe d'ici quelques minutes, ne changez rien à vos habitudes, restez presque sérieux sur la première. Que des soldes chez Stellemans. 50% du stock doit partir. Des prix défiant toute concurrence sur écran LED, OLED, 4K, électro, Hi-Fi. Stellemans. OLED. LED. Electro. Hi-Fi. PC. GSM. Tablette. Boulevard Émile Boxtal 412. Dans le cadre des festivités de l'Homme Gang, du 5 au 7 juillet, le Parc Royal nous plonge à l'heure de la Renaissance avec des joutes équestres et un village retraçant la manière de vivre de l'époque. Une activité gratuite et une terrasse éphémère vous permettra de faire un Royal Break. Info sur hommegang.be avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. La première et la 3 présentent l'exposition En plein air à la Beuverie à Liège. Retrouvez les œuvres de Picasso, Léger, Monet, Cézanne, Matisse dans une magnifique expo créée en collaboration avec le Louvre. Infos et réservations, labeuverie.com. La Beuverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la ville de Liège. La première et Ouf TV présente l'expo WOW, le mouvement comme vous ne l'avez jamais vu. Tigres qui bondissent, zèbres qui galopent, lions en chasse, tous arrêtés en pleine action. Des scènes spectaculaires de taxidermie acrobatique, une expo d'une beauté sauvage à vous couper le souffle. Au Muséum des sciences naturelles à Bruxelles, avec le journal Le Soir. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. Tu le vois, oui, Lemens. Moi, j'ai aucune confiance dans ces saucisses. Ah bon? Elles ont quand même l'air bonnes. Ouais, non, elles cachent quelque chose, mais je... Enfin... Écoute, pour les faire parler, je vais les mettre sur le grill. Ah oui, j'ouvre déjà la sauce samouraï. Ouais. La samouraï qui fait parler d'elle, la voilà. De vos Lemens. Exceptionnel! Ce vendredi chez Intermarché, 10 euros de réduction à l'achat de 3 casiers de Jupiler, 24 x 25 centilitres. Conditions en magasin. Intermarché, tous unis pour gagner! Ouvert dimanche et jour férié, une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. La première. 16h30. Pour vous informer, Marie Van Kutsem. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Dans l'actualité du jour du football, évidemment, comment passer à côté? Pays de Galles, Belgique, c'est ce soir, 21h à Lille. Des milliers de Belges affluent vers la ville, mais difficilement. Il y a de gros embouteillages et la police française confisque toutes les boissons alcoolisées et les engins pyrotechniques à bord des véhicules à la frontière. Idem à la sortie des trains. Alors sur l'aspect sportif, qui va gagner ce soir? C'est évidemment la question qui préoccupe tout le monde. Et dans Soir Première, eh bien, on va tenter d'y répondre. À 17h45, dans CQFD, Pascal Claude reçoit Manuel Jousse, journaliste sportif à la RTBF, et François Launay, journaliste sportif à 20 minutes. Autre gros morceau dans Soir Première, ce sera à 18h30. Nous reviendrons sur cette semaine agitée en Europe après le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. À ce sujet, une déclaration de François Hollande aujourd'hui. La décision du Royaume-Uni ne peut ni être reportée, ni être annulée. Le plus vite sera le mieux. Le président français a eu un entretien bilatéral avec le Premier ministre britannique David Cameron en marge des commémorations du centenaire de la bataille de la Somme, des commémorations qui avaient lieu aujourd'hui en présence également du prince Charles. Voilà pour les infos. Très bel après-midi. Retour de l'information tout à l'heure à 17h avec Diane Burgel-Vernet. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. C'est l'heure, c'est l'instant de jouer au qui a dit. Nous allons nous intéresser à une phrase et pour jouer avec nous, direction la Hulpe, dans le Béoué. Accent du Béoué, Raoul. Bonjour. C'est Miguel qui est Bonjour. Avec nous. Bonjour Miguel, vous allez bien? Bonjour, très très bien, et vous-même? Mais écoutez, ravi de vous avoir au bout du fil. Miguel, vous partez en vacances ou pas? Non, il faut que je travaille. Ah, il faut que je travaille. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis agent artistique, notamment. Agent artistique? Ouais. C'est pas mal ça comme métier. Oui, que... avec des gens que vous avez déjà reçus régulièrement. C'est pas vrai. Si. Et donc, vous jouez avec nous pour repartir avec des places pour le pass. C'est bien ça. Mais pourquoi pas? Et on vous offre également une clé USB aux couleurs de la première. Et cette phrase, la voici. La phrase du jour. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Des propositions à vous déterminer dans un instant qui aurait pu prononcer cette fameuse phrase, mon cher Miguel. Vincent Flibustier. C'est évidemment, malheureusement, Marine Le Pen à propos des taxes sur l'immigration. Marine Le Pen. On va demander... Non, elle avait dit, on ne veut pas le petit beurre et l'argent du petit beurre. C'est ça qu'elle aurait dit, Marine Le Pen. On va demander à Sergio Honoré. C'est Frédéric Ries qui, lassé du MR, s'est mise à cultiver et à élever des bovins. Et donc, elle est devenue crémière et elle a appris à sourire. Donc, c'est une crémière et son sourire. Raoul Reyers. La phrase n'était pas complète, hein. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Non. Si, je vous jure. Non. Si. Allez voir. Et a déclaré Raoul Edebeau en parlant des États-Unis à propos du TTIP. Raoul Edebeau pour Raoul Reyers. Crémière, pouvait me croire. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Cynthia Isarelli. Mais pas du tout, c'est Charles Michel en parlant de la Grande-Bretagne qui, non contente d'avoir voté on se casse, voudrait garder le chien, la théière et les meubles. Mm-hmm. Tea time. Tea time. Et enfin, Catherine Ronvaux. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Parce que c'est sale, c'est Éric Zemmour qui présentera bientôt l'émission culinaire La cuisine du territoire. La cuisine de chez nous, sans beurre ni boudin noir. Ah ben, écoutez, comment ? Oh, ça me paraît relativement facile, aisé, mon cher Miguel. Miguel, je vous rappelle les propositions. Nous avions Marine Le Pen, Frédéric Ris, Raoul Edebaud, Charles Michel ou Éric Zemmour. On ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Qui aurait pu, d'après vous, prononcer cette phrase ? Eh bien, honnêtement, je n'en sais strictement rien. Eh bien, procédons par élimination. Voilà, donc je pense que Éric Zemmour, non. Non, lui... On peut le barrer. Voilà. Supprimons-le. Les cris des livres. J'aimerais bien qu'il se barre, d'ailleurs. Alors, Marine Le Pen, elle aurait pu le dire. N'est-ce pas ? voilà. Je l'élimine également. Ok. Je me trompe peut-être, hein, mais bon. Pour le moment, c'est un sans faute. D'accord. Alors, les deux autres, c'était... Frédéric Ris, Raoul Edebaud ou Charles Michel ? Je pense que ce serait bien Charles Michel qui aurait pu dire ça. Effectivement, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre à propos du Brexit. Le Royaume-Uni veut le beurre et l'argent du beurre. Hein. Le Royaume-Uni qui nourrit l'espoir dans son processus de sortie de l'Union européenne de négocier un accès au marché unique européen tout en limitant la circulation des travailleurs européens, notamment ceux provenant de l'Est. Accéder au marché unique européen ne se fera pas donc sans garantir les quatre libertés de circulation fondamentales européennes et notamment cette fameuse libre circulation des travailleurs. C'est ce qu'a affirmé Charles Michel, notre Premier ministre, à l'issue d'une réunion informelle des 27 États membres. Ça y est maintenant. Mais surtout, il l'a dit sans que la NVA ne puisse l'entendre. C'est vrai. Du genre, tant qu'ils sont pas là, je vais vite le dire. La libre circulation des personnes et celle des travailleurs est un des points qui ont cristallisé le débat en vue de ce référendum britannique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quid de nos footballeurs ? Ah ben oui. Ah oui, puisque ce sont des travailleurs. Donc, que va-t-il se passer d'Eden Hazard et les autres ? Après, même s'ils sont pas à la retraite. Ah bah c'est vrai, ils n'auront peut-être pas l'argent du beurre, mais ils ont quand même de quoi remplir le frigo, fin du mois. Mon cher Miguel, c'est donc gagné. Nous vous envoyons très rapidement 4 places pour le pass, ainsi qu'une clé USB aux couleurs de la première. Passez un bel été à l'écoute de la première. Restez-nous fidèles, surtout restez presque sérieux. Merci à vous, Miguel. Dans la suite, on s'intéresse Miguel. Et on continue à s'intéresser à l'actualité, cette fois-ci avec Catherine Ronvaux. Catherine, on s'intéresse à... À les femmes. Madonna. Non è una réplica. La femme n'est pas une réplique de l'homme. Elle arrive directement du geste créateur de Dieu. J'ai envie de vous dire, il faut arrêter la fumée blanche. À un moment donné, autant il est difficile d'être un homme le premier jour des soldes, autant être une femme les autres jours s'avère parfois tout aussi pénible. Catherine. Mais oui, surtout dans les prisons mexicaines, par exemple, où la police abuse sexuellement des femmes arrêtées afin, disent-ils, d'obtenir des aveux, des signatures, des noms de complices. D'après Amnesty International, sur 100 femmes interrogées, sans attouchement et ni brûlure à la cire, 33 déclarent avoir été violées et 72 agressées sexuellement. Waouh, quel dévouement à la bonne cause, ces policiers mexicains. Aurait-on trouvé un seul de nos gendarmes capable de faire cracher le morceau de la sorte à Michel Martin à l'époque ? Il faut faire attention, parce que c'est une pratique que Donald Trump pourrait un jour valider, lui qui dit vouloir ressusciter la torture par l'eau. Il est capable de nous sortir que mouillé pour mouiller. Il ne faut pas avoir peur de sauter le pas et que les femmes sont le diable et qu'elles prennent chaque jour un peu plus de place et un peu plus d'argent. Enfin ça, début juillet, c'est pas faux. D'ailleurs, Hollywood est régulièrement visé en matière d'inégalité homme-femme. Aujourd'hui, nouveau dossier avec la sortie du remake de Ghostbusters SOS Fantôme version femme. Sa bande-annonce a été particulièrement mal accueillie. Près de 900 000 « je n'aime pas » pour 260 000 « j'aime ». Et ce n'est pas tout. Le réalisateur Paul Feig et son équipe ont même fait l'objet de menaces de mort et de violentes critiques misogynes sur les réseaux sociaux du genre « on a fabriqué ces conneries pour faire plaisir aux féministes extrémistes », qualifiées en anglais de « féminazie ». Féminazie ? Waouh, Simone de Beauvoir doit se retourner dans sa tombe. On ne naît pas femme, on le devient. On se rend compte ici que certains naissent cons et le reste, quand même. C'est quand même étonnant qu'on puisse être aussi virulent pour un film montrant 4 femmes avec un aspirateur. Bah, c'est étonnant aussi de voir que, comme les jouets sexués, poupée égale fille, épée égale garçon, on puisse aussi qualifier les films de films d'hommes ou de femmes. On laisse ici les films de pétanque pour un autre registre, évidemment. Même Star Wars a été critiqué pour avoir laissé plus de place à l'agent féminine ces derniers épisodes. C'est vrai que dans les années 70, nous, les filles, nous n'avions que la princesse Léa et Chewbacca à qui nous identifier. Et malheureusement, Chewbacca, c'est pour le côté épilation, c'est ça. Et moi, malheureusement, j'avais les cheveux courts et les mollets bien fournis. Pourtant, les films à casting féminin ont généré plus de 3% de recettes en plus que les films à casting masculin. Même si, et ça c'est complètement contre nature, 2/3 des rôles parlants sont tenus par des hommes. Bon, là on ne dit rien. C'est comme un peu les films comme Expendable avec que des mecs là. Sylvester Stallone. On ne dit rien non plus. Là on ne s'insurge pas, on ne propose même pas une version féminine avec Barbara Streisand qui chanterait Hello Dolly à chaque lancement de grenade. Avec Meg Ryan qui tomberait amoureuse du chef des ennemis. Avec Cher qui serait superbement camouflée sauf ses fesses. Avec Demi Moore qui ferait des pièges en poterie. Avec Meryl Streep qui serait la tête pensante et Jodie Foster celle qui arrive en soucoupe volante. On a beau courir après, il n'y aura pas jamais une égalité. Femmes, hommes, de toute façon ça ne servira à rien, vous êtes beaucoup trop fort en gueule et beaucoup trop chouchoute au foot. Et c'est vrai qu'en 1966, James Brown chantait « This is a man's world ». 30 ans plus tard, la belle Nene Cherry répondait par un « This is a woman's world, this is my world ». Et 20 ans plus tard, nous, on chante qu'on est des sardines serrées au fond d'une boîte. On touche le fond de la boîte dans lequel résonne pourtant ces vers d'Aragon. La femme est l'avenir de l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce féminisme en une fois. Non, mais moi je trouve qu'elle a raison. Non, mais la raison, faut pas être féministe. C'est même pas la femme est l'avenir de l'homme, la femme est l'homme. Voilà, ou ah dans non, l'avenir. Non. Ah non, c'est même pas. C'est la femme est l'homme. Oh, ah, la femme fait l'homme. Oui. Fumée blanche. Non, je vous promets, la femme est l'homme, c'est elle qui fait tout. Vous voulez dire qu'elle déteste l'homme? Non, c'est comme quoi, par exemple? Beaucoup de choses. La liste est trop longue. J'aurai le reste de l'émission pour vous énumérer tout ça. Si on continue comme ça, on va rater l'hélicoptère. Elle sera en concert ce soir au festival Couleur Café, un festival avec la présence de la première. Je vais bien entendu parler de Céla Sou, que voici. I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, I'll show ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy. And it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This I'll show ya, I'll blow ya, mind, oh, until the high go Crazy Vibes, c'est ce que vous écoutiez à l'instant. C'était Célassou sur la première. Gin Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Votre séjour en Espagne a pris spectaculaire. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Profitez d'un smartphone Samsung Galaxy S5 Neo d'une valeur de 399€ à 299€ seulement. Rendez-vous vite dans nos magasins et même ce dimanche 3 juillet ou sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. La première et la 3 présentent le Festival au Carré. Découvrez événements exclusifs, petits moments surprenants, talents d'ici et énergie du monde entier. Théâtre, concerts, fêtes et gastronomie. Le Festival au Carré, c'est votre premier rendez-vous de l'été. À Mons, du 1er au 9 juillet. Info, lemanège.com. Lemanège.com. Avec le soir. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée Blouvin à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. La première, Mobile Info. Vous vous souvenez de ce jingle Supercopter. Ah bah oui, bah c'est l'heure de retrouver Pierre Collard-Bovy et ce fameux Supercopter. Et effectivement, nous allons directement rejoindre Adrien Demey dans le Mobicopter Etias pour voir comment ça se passe, Adrien. Bonjour Pierre, bonjour à tous et bien écoutez, on a eu l'occasion de survoler quelques tronçons routiers, on a survolé le 42, on est en train de prendre la direction de tourner secteur problématique, hein, 429 tronçon commun à le 42, ça coince pas mal vers la France, vers Lille, hein. On pense à tous les supporters des Diables Rouges qui prennent la route en ce moment de Lille et qui pourraient être coincés dans ce secteur de Tournai. On a d'ailleurs vu quelques véhicules passer avec le drapeau belge accroché. Attention, donc si vous passez dans le secteur de Tournai, vous allez perdre, je pense, une trentaine de minutes. On va rejoindre la zone dans quelques instants. Pour le reste, on a eu l'occasion également de survoler l'aéroport, la zone d'aéroport de Charleroi, Bruxelles Sud. Pas de problème d'accès pour l'instant en cette fin de journée. Puis du côté du chantier de Mons, sur le 19, ça ralentit également par ailleurs, donc comme chaque jour, j'ai envie de dire, donc du côté de Mons en direction de la France. Etias, une meilleure assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Le temps pour moi encore de vous signaler qu'il y a un véhicule est en panne sur le ring de Bruxelles en intérieur à hauteur aux environs de Wezembeek-Oppem. La bande de gauche est neutralisée en direction de Waterloo. Et un autre véhicule en panne sur le ring de Bruxelles mais en extérieur là, à hauteur d'Anderlecht, la bande de gauche est encombrée. Circulation ralentie. 70 minutes de temps de parcours, 1h10 de temps de parcours supplémentaire pour le liaison Zaventem-Grand Bigard sur le ring extérieur, en circulation extérieure. En intérieur, 25 minutes pour l'extérieur, donc Grand Bigard au titre. 22 minutes pour l'intérieur, Grand Bigard Zaventem. 21 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard, un ring de Bruxelles bien bien encombré aujourd'hui. Une paire de mazouts sur le 42 Mons-Namur entre Timéon et Fleurus. La chaussée est glissante en direction de Namur, donc soyez extrêmement attentifs. Et puis un accident impliquant un véhicule sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Haouan. La bande de gauche est neutralisée. Il y a bien sûr des files en direction de Liège. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. C'est le moment, c'est l'instant de jouer au presque jeu dédico. Un mot pour résumer une actualité. Et à vous, justement, de nous proposer des définitions. Et vous allez les proposer, ces fameuses définitions, à Luciano. Ah, Luciano, vous allez bien? Oui, oui, ah, je suis là. Vous faites des petits travaux, que se passe-t-il? On fait des crêpes. Ah, on a bien fait de venir. C'est vrai que c'est la saison. On prépare le match des Diables ce soir face au Pays de Galles. Luciano, dites-moi un petit peu, vous faites quoi dans la vie, hormis les crêpes? Je m'occupe je suis un peu dans le social, on va dire, comme ça. Ah oui, c'est vague. Soyez plus précis. Dans les logements sociaux, voilà, pour la région de Charleroi. C'est vague, soyez plus précis. Bon, mon cher Luciano, nous allons jouer avec un mot qui fait référence à une actualité, les définitions que nous allons vous proposer. À la clé pour vous, un pack, la première, une tasse, la première, une clé USB aux couleurs de votre radio, ainsi qu'un chargeur, la première. Le mot du jour, le voici. Aristarque. Aristarque. Alors, on va demander à Catherine Ronvaux. Aristarque. Aris... Stark, c'est le cousin de Philip Stark, le designer. Mais Harris a beaucoup moins bien réussi que son cousin. C'est lui, par exemple, qui a créé les bancs en tronc d'arbre du piétonnier de Bruxelles. Et donc, faire ton Harris Stark, c'est faire ton malin, en fait. Oui, mais c'est beaucoup moins cher. Le cousin de Philip Stark, on va demander à Cynthia Isarelli. Mais pas du tout. Harry Stark, c'est un néologisme, belgicisme même, assez récent, mais déjà très répandu. C'est comme ça qu'on appelle dans le monde du théâtre un jeune premier protégé d'Éric de Stark. Un belgicisme, un jeune premier protégé. Ou une jeune première, quoi. Ou une jeune première. Un jeune premier protégé d'Éric de Stark. Raoul Reyers, Harry Stark. Harry Stark, vous connaissez tous Socrate, Platon, Aristote. C'était des philosophes grecs très connus. Des stars. Aristarque, hein, un peu moins connu, est considéré comme le plus grand philosophe wallon. Répertorié à ce jour. Hein. On lui doit les plus grandes pensées wallonnes, comme cet odileptikon spotch. Ah, pas mal. Il faut pas. Vous savez ce que ça veut dire. Ouais. Qu'in innocent moussi en saut. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel innocent habillé en saut. Ouais. Ah oui, ouais. Par exemple. Ça, sans oublier, bonjour gamin. On va demander à Sergio Honoré, Harry Stark. Harry Stark, c'est une personne qui censure et qui propose des critiques perçues comme sévères, mais néanmoins juste. Et enfin, Vincent Flibustier, Larry Stark. Eh bien, c'est un autre cousin, puisqu'Harry Stark, c'est le cousin de Tony Stark, la véritable identité d'Iron Man. Il est le fils de Johnny Stark et de Chantal Binard. Alors, Luciano, d'après ces propositions, l'une d'entre elles est juste. Laquelle? Je vous les rappelle. Qu'est-ce que donc un Harry Stark? Le cousin de Philip Stark, un belgicisme, donc un jeune premier protégé d'Eric de Stark, un philosophe wallon, ou le cousin de Tony Stark, Iron Man? Ou cette personne qui censure et qui propose des critiques perçues comme sévères, mais néanmoins justes? Le wallon, là. Ah, Harry Stark, vous pensez que c'est un philosophe wallon? Ça pourrait même. Harry Stark. Alors, Harry Stark, c'était malheureusement pas la bonne réponse. Bah non. Non. Harry Stark est une personne qui censure et qui propose des critiques perçues comme sévères, mais néanmoins justes. Vous savez, mon cher Luciano, dans cette émission, personne ne perd, tout le monde gagne. C'est un petit peu la philosophie de l'émission. Nous sommes un peu dans la joie de vivre. Et vous êtes un peu notre rayon de soleil. En tout cas, Luciano, vous terminez la semaine en beauté puisque nous vous envoyons ce pack aux couleurs de la première. Continuez à faire des crêpes. Oui, on repasse à table. Et gardez-en, on arrive. Et ce qui arrive dans la suite, c'est la presque star que voici. C'est presque sérieux sur la première. Notre presque star du jour en ce vendredi répond au doux prénom de Joe. Ou Yo. C'est à vous de voir. Il serait néerlandophone. On va voir. Il est avec nous. Comme Yo Cornu. On va voir. Bonjour. Bonjour. Ah, là, aucun accent. Et dans la suite, on va voir un petit peu pourquoi on parle de Jo ou de Yo dans la presse. À vous de me poser une série de questions, je ne réponds que par oui ou par non. Et ça commence tout de suite. Est-ce que Joe est taxi? Est-ce qu'il a travaillé à la SNCB? Non. Alors on ne sait pas. On abandonne. Est-ce qu'il est bègue? Yo. Non. Oh là. Donc, est-ce qu'il a, quelque chose? Il a ouvert une boîte. Alors ça, ça a fait parler. Une boutique? C'est une boîte. C'est quelque chose de très utile. Est-ce qu'il a un frère qui s'appelle Avrel? Non. C'est social? Jack. Il a ouvert un endroit où on pouvait se retrouver? C'est du service à la société? Oui. C'est du recyclage? Non. C'est du transport? Quand on dit service à la société, le mot service, c'est peut-être pas... Ok. Est-ce qu'il a un indice? Elle a voulu un indice? Oui. Écoutez. Ouais. Tous les matins, il achète. Il est boulanger. Presque. Il est pâtissier? Presque. Il est chocolatier? Non. Il vient préparer votre petit déj chez vous? Non. Il a un rapport, est-ce qu'il fait directement des gâteaux ou du pain? Oui. Sans gluten? Non. Mais comment est-ce qu'il c'est peut... Pas, une... c'est pas une boulangerie spéciale... qui fait des spécialités. Des très grands pains? Absolument pas, pas des très grands pains. Il vend du pain au maître? Il vend du pain au maître non plus. Est-ce qu'il est traiteur? Non plus. Il fait des très petits pains? Non. Très très petits. Non. Donc il invite les gens à venir faire leur pain eux-mêmes? Non plus, mais il est question de pain et là. Il multiplie les pains. C'est Jésus. C'est un four collectif? C'est fini. Déjà. Et vous avez fait un four, les amis. Mais qu'est-ce que... Bah, Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait, Yo ? Il était question de pain, effectivement. Et Yo de Wolf est le CEO d'une grosse entreprise qui va construire la boulangerie la plus grande et la plus moderne d'Europe. Aux Pays-Bas. Ah bon ? Alors, Yo, parlez-nous de cette grande boulangerie. Oui, effectivement, nous allons construire la plus grande boulangerie de l'Europe, en fait. Elle aura une superficie équivalente à 8 terrains de football. Mmh. Ce sera à peu près 40 000 mètres carrés. Mmh. Elle va produire 600 000 pains par jour. Ah oui, 600 000 pains. Qui vont être distribués où ? En Pays-Bas. Malheureusement, pas en Belgique. Ce sera aux Pays-Bas, entre Amsterdam, Rotterdam et Utrecht. Et vous arrivez avec, parce qu'on entend beaucoup que fatalement, maintenant, les pains sont, pour la grande distribution, souvent faits dans les pays de l'Est, congelés, etc. Vous arriverez quand même à avoir des prix concurrentiels, malgré la concurrence de l'Est ? Oui, non, absolument. Je crois que les Hollandais, de plus en plus, font confiance dans les Belges pour la construction des grandes superficies. Et donc, effectivement, une société belge qui a été, qui va surtout construire cette plus grande boulangerie, la plus moderne d'Europe, ça va prendre combien de temps ? On a entamé le chantier en mois de février et l'immeuble va être livré en mois d'octobre. D'accord. À peu près 8 mois. Et donc, le premier pain, ça va être symbolique, le premier pain qui sort du four, là. Oui, mais pour construire les fours et pour tout aménager, ça prendrait encore un peu plus de temps. Ça sera plutôt pour l'été 2017. Mmh. L'été 2017, donc on ira un jour aux Pays-Bas, les amis, et on ira manger du pain. Qui sait ce pain ? Et ce ne seront que du pain ou des viennoiseries aussi ? Aussi, pain et pâtisserie, hein, c'est les bien deux. Ça, les deux. Mmh. Ah bien, écoutez, vous étiez notre presque star du jour aujourd'hui. Yo, on mettra toutes les infos concernant donc, cette nouvelle qui va créer aussi de l'emploi, hein, plus de 120 nouveaux emplois, mais bon, hollandais. Oui, effectivement. Ah, c'est les Hollandais qui vont faire le pain français maintenant. En tout cas, merci Yo d'avoir été notre presque star. Nous, on poursuit l'aventure presque sérieuse sur la première. On s'informe dans quelques minutes et on continue à faire le tour de l'actualité, mais à notre manière, à savoir presque sérieusement. Ça se passe sur la première. Demain à 11h, Bientôt à table, avec Sophie Mounz. Ce samedi, dans Bientôt à table, tout sur le barbecue, conseil cuisson, tour de main, comment épater la galerie, le spécialiste Roanne Hennebert nous en dira plus. Le barbecue dans tous ses états, c'est ce samedi. Bientôt à table, le samedi de 11h à midi sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Le Festival Musique 3 revient, ensoleillé par toutes les musiques classiques et du monde. Plus de 60 concerts, 7 scènes, 250 musiciens et des activités pour tous. Du 1er au 3 juillet à Flaget et au Marny. Infos et réservations, musique3.be, avec la première. Une banque qui connaît la musique, ça manquait au Festival Musique 3, KBC Brussels. Jour main, jour pas. Salut fiston. Bonne journée mon lapin. Oui, sauf que j'ai un problème en maths. Man, pas. Besoin d'aide pour accompagner la scolarité de vos enfants ? Pour préparer les examens de passage ou revoir la matière avant la rentrée, faites appel au cours particulier à domicile Educadomo. Plus d'infos sur educadomo.be. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler ? Sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Un bon plan, c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. Un nouveau smartphone ! Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil ! Ah, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux ? C'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29€ avec Dauphin 25 smartphones dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Venez vite chez Pearl Opticien pour nos soldes fondantes. Jusqu'à 70% sur toutes les lunettes, même les grandes marques. Conditions en magasin. Ça se passe sur la première. Bonjour, c'est Françoise Hardy. Cet été, nous avons rendez-vous chaque semaine sur La Première. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et et de l'aventure. Comment te dire Hardy le samedi de 10h à 11h si c'est vous sur la première. J'absous. La météo. Bonne fin de journée à tous. Les averses vont reprendre de la vigueur et se déplacer d'ouest en est. Le vent restera modéré et les températures cette nuit seront comprises entre 10 et 12 degrés. Il fera progressivement sec à partir du littoral dans le courant de la soirée. Demain matin, on a une période de temps sec avant que des averses ne reprennent dans le courant de l'après-midi. Elles seront espacées par des éclaircies. Le vent reste modéré de sud-ouest et les maxima ne dépasseront pas 14 à 18 degrés. Pour dimanche, le risque d'averse diminuera nettement. On se situera encore entre 15 et localement 20 degrés. On part sur l'idée d'un début de semaine assez sec pour lundi, mardi et mercredi et des températures enfin en hausse. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Trois couleurs à la une de l'actualité. Noir, jaune, rouge. Un objectif, la victoire. Les Diables Rouges jouent ce soir à Lille leur quart de finale de l'Euro face au Pays de Galles. La présidentielle autrichienne invalidée en raison d'irrégularités. Le parti d'extrême droite FPE contestait la régularité de l'élection qui a vu son candidat battu de très peu par l'écologiste Alexander Van der Bellen. Avant de développer ses titres, Pierre Collard-Beauville, la circulation est compliquée sur les routes en cette fin de journée. Mais surtout à la frontière française évidemment, pour aller voir le match à Lille, tout le monde se déplace. Vous êtes pas mal ralenti à tous les postes frontières. Et puis sur le ring de Bruxelles, un tronçon est particulièrement ralenti. C'est pour rejoindre Zaventem à Grand Bigard par la circulation extérieure. Vous perdez, vous mettez une heure de temps de parcours supplémentaire. 160 000 supporters à Lille, des millions en Belgique. Un pays entier va vibrer à l'unisson dans quelques heures, dans une même ferveur noir, jaune, rouge. Les Diables Rouges disputent leur quart de finale ce soir face au Pays de Galles. Les supporters sont déjà prêts, on l'a entendu, ils sont en route vers Lille. D'autres y sont déjà et font grimper la température comme Thomas Namurois, la trentaine. Il est arrivé à Lille ce matin, bien décidé à faire la fête toute la journée et une bonne partie de la nuit. Il s'est organisé pour cela. Quentin Warlop et Sébastien Joris ont croisé sa route au coin de la Grand Place de Lille. Il chante avec des dizaines d'autres. Grand gabarit, sa tête surmonte la foule, maquillage noir, jaune, rouge sur les joues. Il y a vraiment un bon engouement, on sent que tout le monde est dans une très bonne ambiance. Il y a deux, trois qui mettent l'ambiance avec des tambours, avec des micros. Et ça suit naturellement, donc c'est parfait. Thomas et ses amis ont le gobelet en plastique à la main depuis midi. Pas question de rentrer cette nuit. Personne ne voulait faire le bob, ça c'est toujours le problème. Pour éviter de prendre la voiture, de prendre des risques inutiles, bon, on a essayé de trouver un point de chute ici à Lille. Plus de place dans les hôtels, mais via l'opération Adopte en Belge, lancée sur les réseaux sociaux, un habitant les accueille. Une maison calme dans le vieux Lille. Bienvenue, rentrez. Voilà. Merci. On a un petit quelque chose pour toi. Ah, le bar. S'il te plaît. Magnifique, ouais, merci. Et il paraît que t'avais besoin d'un petit maillot du standard pour ta collection personnelle. On t'a dégoté ça. Eh ben alors du coup, on en met un là, si ça vous va, sur le canapé. Mm-hmm, parfait. On va gonfler le matelas double. Retour demain matin en Belgique et départ, il l'espère, vers les demi-finales. Allez, Diable Rouge! Quentin Warlop, Sébastien Joris, avec les moyens techniques de Nicolas Van de Weyer. Aucun supporter belge à l'heure actuelle n'ose imaginer une défaite des Diables ce soir, même si notre défense est décimée. L'ailier Dries Mertens est aussi de cet avis. Pour lui, la Belgique va même aller jusqu'au bout. On dit ça déjà maintenant. Hein. Déjà on maintenant dit ça, ouais, on veut aller jusqu'au bout. On est là pour aller au bout. Et ouais, c'est vrai, Pays de Galles, ça va pas être facile, mais les prochains matchs, ça va pas être facile non plus. Alors, on veut toujours continuer jusqu'au bout. Vous voulez le faire et vous avez les qualités pour le faire. Mm-hmm. Avec le match contre la Hongrie, ça a donné encore une dose de confiance en plus. Bah, bien sûr, c'était très important ce match. Et maintenant, c'est un tournoi. Si tu perds, tu vas à la maison. On sait et on veut pas encore aller à la maison. L'ambitieux Dries Mertens au micro de notre envoyé spécial à Lille, Manuel Jousse. Sachez que si vous aussi vous avez l'intention d'aller à Lille, il y a d'importants bouchons, des ralentissements, mais il y a aussi des contrôles anti-alcool menés à la frontière française. Tout est confisqué sur ordre du préfet, en ce compris les engins pyrotechniques. Des contrôles aussi dans les trains. L'arrêté préfectoral vaut jusqu'à 6h du matin demain. Si les Diables s'imposent ce soir, ils affronteront le Portugal en demi-finale. Avant cela, le rendez-vous, c'est donc à 21h sur tous les médias de la RTBF. Le système de l'aide juridique pour les personnes moins favorisées socialement a été modifié. Un projet porté par Koen Gaens, le ministre de la Justice, qui a été voté hier à la Chambre. Un texte sans surprise critiqué par l'opposition, Marc Serlerot. Principal changement, à l'avenir, la procédure ne sera plus gratuite. Le justiciable devra désormais s'acquitter d'une contribution. Mais modeste, rajoute Koen Gaens. 10 euros par exemple, lorsqu'un avocat sera désigné. Et puis, en cas de procédure lancée, à chaque passage devant une instance, le justiciable devra payer 50 euros. Au PS, on pointe la remise en cause de la gratuité. À l'avenir, il y aura aussi un contrôle, je cite, plus adéquat des moyens d'existence des demandeurs. Il y aurait donc, si l'on en croit le texte, bon nombre de gens qui abuseraient du système. Désormais, le bureau d'aide juridique vérifiera plus les revenus des biens immobiliers, des biens mobiliers, mais aussi de l'épargne des personnes demandant une aide. Une évolution qui fait aussi bondir le PS, qui s'interroge sur la façon dont se feront ces contrôles, le bureau d'aide juridique n'ayant pas accès, par exemple, aux données de l'administration fiscale. Précisons enfin que les grandes lignes de ce texte avaient été imaginées par Annemie Turtelbaum, ministre VLD de la Justice, dans le gouvernement Di Rupo. Retour aux urnes en Autriche. Le scrutin présidentiel qui a vu la victoire sur le fil de l'écologiste Alexander Van der Bellen face au candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Ce scrutin a été invalidé. Il est question d'irrégularité dans le dépouillement des bulletins de vote, Céline Béal. Pour justifier sa décision d'invalider le scrutin, la Cour constitutionnelle à Vienne a nommé deux raisons. D'une part, des irrégularités dans 14 circonscriptions électorales, des enveloppes de scrutin par correspondance ouvertes trop tôt et des décomptes en l'absence des assesseurs. Les juges ont aussi estimé que la pratique depuis des années de la commission responsable des votes de divulguer sous embargo les résultats partiels à certains médias avant la fermeture des bureaux de vote, cette pratique était contraire au principe de liberté du scrutin. Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'un nouveau scrutin ne pourrait pas être organisé avant l'automne. Il y aura donc un intérim à la tête de l'État. À compter de vendredi prochain, les trois présidents du Parlement assureront la fonction suprême jusqu'au nouveau vote. L'un d'eux n'est nul autre que Norbert Hofer, le candidat dont le parti, le FPE, a contesté l'élection. Celui-ci s'est réjoui d'avoir une occasion de prouver qu'il peut agir au-dessus des partis, une qualité très demandée pour les présidents en Autriche. Céline Béal, notre correspondante à Vienne. En tennis, David Goffin doit disputer aujourd'hui son troisième tour à Wimbledon. Le Belge sera opposé sur le gazon au joueur ouzbek Denis Istomin, 116e joueur mondial. Un match qui devrait débuter dans la soirée. Pour l'heure, il est tout juste 17h07. Très belle fin de journée à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Essuie de sport ou essuie de bain Lâchez-vous, Neckermann. Vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. Merci d'être fidèle à la première, à l'heure qu'il est, c'est évidemment presque sérieux. Eh oui Diane, nous sommes presque sérieux et on attend avec impatience le match des Diables ce soir face au Pays de Galles à suivre sur la Une en télé et forcément la première vous tiendra au courant. Et l'information sera elle de retour tout à l'heure à 17h30. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Et on termine la semaine en beauté, l'actualité revue et corrigée par nos beaux esprits autour de la table. Il y a Catherine Ronvaux. Oui, bonjour Wally. Il y a Raoul Reyers. Ah oui, je suis là. Il y a Sylvia Isarelli. Mais oui. Et on parlera du Brexit avec vous. C'est cela. En linguistique. En linguistique. Et en français dans le texte. Effectivement, il y a Vincent Flibustier. Oui. Qui va nous raconter des histoires d'ici peu. Il y a Sergio Honoré. Bonjour. Et puis, il y a le match des Diables ce soir. Ouh. Avec Un défenseur en moins, Vertonghen. Eh ouais, blessé. Donc qu'est-ce que ça va donner cette défense? Défense imperméable. Les Belges vont-ils prendre un début? Les Belges vont-ils aller en demi-finale? Mais oui, ne vous inquiétez pas. Les Belges qui vont à Lille, plus de 100 000 Belges attendus ce soir du côté de la ville française, lilloise, et qui ont été accueillis avec ce fameux hashtag #AdopteUnBelge. Donc voilà, si vous souhaitez demain faire des petites emplettes, n'hésitez pas. Voilà, petit. Hein, c'est déjà les seuls d'ailleurs. Voilà, déjà. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. En tout cas, on croise les doigts pour les Diables, match que nous aurons le plaisir de suivre en direct sur la Une. Et la première vous tiendra au courant, je le disais. Vous êtes presque sérieux, les amis? Oui. C'est parti. C'est presque sérieux. Sur la première. On parlera donc, je vous le disais, dans cette dernière ligne droite avant de retrouver soir première de Brexit. Et un petit tour de table oblige, hein. Ce sont les soldes, oui. Ce sont les vacances. Aussi. Et c'est également peut-être un pied, un doigt, les deux pieds peut-être, en demi-finale de l'Euro 2016. Pronostic, combien? Eh bien, 2-1. 2-1. 3-2. 3-2, Raoul. 6-8. Je suis très mauvaise en pronostic. 1-2. 1-2-3. Ah ben voilà, les pronostics ont été faits. Mais pour qui? Ah ben ce sera. Ah ben on le verra lundi. On le verra lundi, on verra qui a bon. Hein, voilà, puisque. Non, alors attendez. C'est Pays de Galles Belgique, normalement. Pays de Galles Belgique, donc celui qui me donne le premier score, c'est ça. Donc pas besoin de poser la question. Mais trompé, chef. Voilà, attention. Mais dites, le Pays de Galles, ils sont toujours dans l'euro ou pas, finalement? On se posera la question lundi. En attendant, on va se poser une question, les amis. Quelle est l'histoire vraie du jour? C'est avec Vincent Philibustier que ça se passe. Bonjour, messieurs Vincent. Une histoire vraie parmi les deux histoires que vous nous contez en ce vendredi 1er juillet, mon cher Vincent. Eh oui, sachez-le, les plus grands hommes de l'histoire de la science ne sont pas tout roses. Premièrement, parce que certains sont noirs. Deuxièmement, prenez Charles Darwin, certes tout rose, mais qui a contribué au massacre des tortues géantes. La tortue géante est connue depuis les environs de l'année 1600, les grandes explorations, etc. Mais pourtant, on n'a donné aucun nom scientifique à cet animal jusqu'au 19e siècle. Près de 300 ans sont passés sans que cet animal ait un nom. Et pourquoi? Eh bien parce que pendant 300 ans, on n'a jamais ramené de tortue géante vivante en Europe, puisque l'animal était tellement délicieux que les marins les mangeaient sur leur tour et arrivaient à chaque fois avec des carapaces vides. Et sachez que même Charles Darwin a fait un voyage avec des tortues, mais n'a pas insisté pour qu'on en garde une vivante, parce qu'il trouvait ça trop délicieux. L'estomac avant la science, une formule qui sert aujourd'hui de credo à Raoul, qui me le disait encore l'autre jour en dégustant une boîte de dauphin garantissant. L'histoire de Darwin. La tortue, c'est très très bon, mais ça sent très très fort. Vous avez déjà goûté de la tortue? Évidemment. Oh non. Je le savais, je vous le disais. Non. Avec un petit aileron de requin. Non, c'est pas vrai, Raoul. Mais évidemment. Alors là, franchement. Je sais pas comment vous le dire, mais je vais écrire une lettre à Brigitte Bardot. Elle s'appelait Caroline, c'était la tortue du voisin. Et ça, c'est la tortue de son fils, c'est pire. Ouais, mais crocodile aussi, c'est très bon. Non, c'est un peu plus dur. Ça goûte le poulet. Ouais, bon, voilà. On sait qui mange quoi autour de cette table, en tout cas. Bon appétit. Et l'antilope, c'est comme le bœuf. En plus rouge. Ouais. Darwin et cette histoire de tortue. Seconde histoire, Vincent. Et oui, Louis Pasteur était aussi rose, mais un sale type. Pasteur est connu pour son vaccin contre la rage, mais aussi contre le choléra des poules et le rouget des porcs. Bref, juste un gastronome qui voulait protéger son waterzouille et son lard gris croquant de chez Hong Kong Delight. À savoir aussi, Louis Pasteur n'était pas très ponctuel, d'où cette petite blague. Louis, tu seras là à 16h? Non, un pasteur. Voilà, merci. Quoi? Non, pasteur. Rejoue là. Non. C'est des moments de solitude comme ça que vous pourrez apprécier à leur juste valeur, Vincent Philibustier. On se sent comment après? Ah, j'adore ça. Ces moments de bide, vous imaginez, vous êtes sur scène, vous la faites. Ah, et là, tout le monde rit, se regarde en se disant rit. Remboursé. Non, remboursé. Je suis sûr que là, dans la voiture, tous les gens ont le sourire, ils partent en vacances. Une merveilleuse blague. Oui. Et ils font demi-tour. Ils partent en vacances en se disant, heureusement. Deux histoires, l'une d'entre elles. Mais j'ai pas fini. Parce qu'il y a Marie qui est. Toujours terminé sur une mauvaise blague. Marie Curie. Non, et donc c'est peut-être pour cette raison que sa femme a divorcé de Louis Pasteur, sa première femme, à moins que ça soit parce qu'il lui a inoculé la rage, parce qu'en effet, il a testé son vaccin sur sa femme, mais l'a un petit peu surdosé. Et donc sa femme a attrapé la rage, a divorcé et est morte 6 mois plus tard. Oh. Pas si cool que ça, Pasteur. Peut-être que c'est parce qu'elle ne l'entendait pas, Louis. Ah bah vous voyez que je... Vous voyez, elle est vachement bien. Bon, en attendant, l'une de ces deux histoires est vraie, oui, mais la question c'est laquelle? Cette histoire de Darwin et de la tortue ou de Pasteur, qu'on retiendra bien entendu. Alors, Sergio Nore, première ou seconde? Moi j'ai envie de faire hein? Quoi? Allez, la première. La première, Raoul Reyers. La première. La première, Cindy Izarelli. La seconde. La seconde et Catherine Renvaux. La première. La première. Nous on est corporate. Roulement de tambour entre Darwin et la tortue ou Pasteur, que fallait-il choisir, Vincent? Eh bien, c'est bien Darwin qui a tué quelques tortues et n'a pas participé lui-même, en tout cas, à nommer la tortue. À noter qu'en fait, elle était vraiment délicieuse. La viande était très digeste et la tortue permettait de nourrir plusieurs hommes. Donc c'était un super animal à garder pendant une longue traversée de l'Atlantique. Et autre chose, la tortue peut rester des mois sans boire ni manger. Du coup, on la gardait sur le bateau, on n'avait même pas besoin de la nourrir, alors que les poules, etc., les cochons, il fallait les nourrir. Et la tortue, encore mieux, c'est un animal vraiment super, parce qu'il possède un estomac énorme qui peut conserver de l'eau pure pendant des mois. Donc en fait, on la fait boire beaucoup, on la laisse dans la cale, et quand on les ventre, on récupère de l'eau pure à boire. Et Darwin disait lui-même que la tortue géante était délicieuse, cuite à l'unilatéral sur sa carapace, tandis que les bébés tortues faisaient d'excellentes soupes. Imaginez Raoul Reyer sur le dos. Je vais vous laisser avec cette image. Et dans la suite, on continue à s'intéresser à l'actualité avec le Brexit. C'est au programme de C'est presque ça. Ça va, Raoul? Très bien, je garde une info pour la fin de l'émission. Ah, ok, d'accord. Ben, restez avec nous. Nous, on s'intéresse au Brexit de la suite avec Cindy Izarelli. Proud of you because you can be. Do what we want to do. C'est presque sérieux sur la première. Ça se passe sur la première. Dimanche à 9h, les Belges du bout du monde avec Adrien Jovenot. Bonjour, ici Marc Zinga. Je me réjouis de vous retrouver sur la première avec Adrien Jovenot. Nous parlerons des rayures du zèbre, de l'Euro 2016 quand même, le diable, mais aussi de James Bond, de Bienvenue à Marly Gaumont et surtout, surtout des Belges du bout du monde. Les Belges du bout du monde, le dimanche de 9h à 10h sur la première et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. Mieux que des soldes chez Stellemans, 50% du stock doit partir. Des prix défiant toute concurrence sur écran LED, OLED, 4K, électro, Hi-Fi. Stellemans. OLED, LED, électro, Hi-Fi, PC, GSM, tablette, boulevard Émile Boxtal 412. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Crème solaire? Check. Enfant? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un toulou down. C'est magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Crefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. Le beau vélo de Ravel, en partenariat avec Engie Electrabel. Tous à tourner ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picard avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec la première et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Camille, vous cherchez quelque chose? Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge. Mais ne restez pas planté là. Allez, hop, hop, hop, cherchez avec moi. Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure pour retrouver vos affaires d'été. Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour réaliser le dressing de vos rêves. En plus, chez Camber, en ce moment, c'est l'action été. Camber, more space for your place. La première, Mobile Info. C'est le moment, c'est l'instant, retrouvons Pierre Collard-Bovis et son hélicoptère. Oui, effectivement, on va prendre de la hauteur, si vous le permettez. Retrouvez Adrien Demey dans le Mobicoptère Etias. Adrien, c'est à vous. Oui, Pierre, eh bien, écoutez, on a eu l'occasion de survoler il y a quelques minutes cette zone qui pose problème à tourner. Hein, c'est le 429-42 où ça coince pas mal jusqu'à la frontière française. On pense évidemment à tous les supporters des Diables qui prennent la direction de Lille via cet axe en direction de la France. C'est surtout la zone de travaux hein, qui pose problème. Ça coince en amont sur plusieurs kilomètres déjà, 6-7 kilomètres de retenue trafic. Parfois même le trafic est à l'arrêt, donc attention, ne vous laissez pas surprendre. On avait vu des camions à l'arrêt, donc avant que ça ne reparte. Et puis une fois arrivé à la frontière française, vous passez une chicane et là le trafic est complètement libéré, donc ça roule beaucoup mieux. Mais c'est surtout à l'approche au niveau de la zone de travaux que cela coince fortement dans ce secteur de Tournai vers la France. Donc vous n'avez pas été agile à Binche ? Etias est là dans les 30 minutes. Voilà, on va faire le point complet dans ce ralentissement aux frontières. 10 minutes, ça va mieux. 10 minutes perdues sur le 17 venant de Gand à partir de Halbeek. 35 minutes dans le tronçon dont parlait Adrien tout de suite. Et puis 10 minutes également sur le 19 venant de Mons à partir de Autrage. Vous ralentissez encore dans la plupart des tunnels de la capitale. Ça va un petit peu mieux sur le trajet, sur le tronçon Zaventem Grand Billard en extérieur. Mais vous mettez quand même encore une heure supplémentaire pour faire le trajet. 25 minutes pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Plus 20 minutes pour l'intérieur Grand Billard Zaventem. Plus 19 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 15 minutes pour l'intérieur au titre Grand Bigard. Vous ralentissez également pour accéder à Bruxelles sur le 40 venant de Gand entre Affligem et Grand Bigard et sur le 40 venant de Liège entre Sterrebeek et Woluwe Saint-Etienne. Une perte de Mazot, on le rappelle, sur le 40 de Mons-Namur entre Timéon et Fleurus. La chaussée, nous dit-on, glissante en direction de Namur, donc soyez très attentifs, c'est entre les kilomètres 80 et 75. Des ralentissements, 15 minutes perdues sur le 19 Bruxelles Valenciennes entre Nîmes et Mons. C'est un chantier qui vous ralentit en direction de Valenciennes. Ralentissement également dû aux travaux sur la N5 Charleroi-Couvin dans le chantier entre Sommezet et Frères. Vous êtes ralenti entre Nalines et Sommezet en direction de Couvin. Terminé pour l'accident sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur de Aouan. Tout va rentrer dans l'ordre dans lequel on ne perdait que quelques minutes, donc tout va bien. Un accident sur le 314 Maas-Mechelen-Louvain à hauteur de Zolder. La bande droite est encombrée. Circulation fortement ralentie depuis Oudtallen et vous perdez 25 minutes en direction de Louvain. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0848 400. Ça se passe sur la première. Pour vous, voyager est un prétexte pour vous évader du quotidien, vivre plus intensément pour nourrir votre imagination ou créer. Vous souhaitez partager cette expérience avec nous? La première vous invite à participer à Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui croquent leurs escapades pour vous donner un goût d'ailleurs. Envoyez vos témoignages et vos coordonnées à croqueur@rtbf.be. Croqueur au pluriel @rtbf.be. Plus d'infos sur lapremière.be. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Soir première dans un instant pour finaliser cette semaine. Oh, quelle semaine chargée en actualité. Une semaine qui était notamment marquée par le Brexit. On en a parlé partout. Brexit par-ci, Brexit par-là. On en a beaucoup parlé, mais au fond, sans vraiment aborder le nœud du problème. Heureusement, autour de cette table, il y a une femme qui dénoue les nœuds. Ah oui, c'est Cynthia Isarelli, elle est avec nous, elle est rentrée de vacances et elle va vous en parler sans langue de bois si je puis dire. Mais oui Walid, je sais, j'ai un train de retard, comme tout le monde dans ce pays, remarquez. Mais si je reviens encore une fois sur le Brexit une semaine après les faits, ce n'est pas pour faire des facéties sur le balayage californien de Boris Johnson, ni pour vous faire la liste de tous les chanteurs anglais dont je suis fan, d'autres le font mieux que moi. C'est surtout parce que j'ai envie de poser les vraies questions, celles que tout le monde se pose, à savoir, primo, est-ce que la boutique Marks & Spencer va fermer ? Secondo, est-ce que mon premier album des Spice Girls va enfin prendre de la valeur? Et surtout, quel avenir pour tous ces malheureux qui avaient choisi anglais première langue en secondaire? Oui. Non mais sincèrement, je m'interroge sur les retombées linguistiques de cette guerre des roses en bonne et due forme, parce que le Brexit, ne vous en déplaise, risque fort de faire les affaires de cette vénérable bande de croulants endormis dans leur siège capitonné qu'on appelle, oui le Parlement Wallon certes, mais je pensais aux autres, l'Académie Française, alias la Ligue des Justiciers du Becherel, pourfendeur d'anglicisme, belgicisme et autres qui ne vont certainement pas se priver pour se la jouer grande inquisition et imposer un boycott total de la langue de Shakespeare. D'ailleurs, on ne dit déjà plus boycotter, on dit bannir ou, plus moderne, faire son Black M à Verdun. Et tant qu'on y est, on ne dit plus Brexit, on dit rose bifle, ça résume mieux la situation. Privé d'anglicisme, donc, continuons la démonstration, Walid, ici présent, vous informera donc, par exemple, que cette belle petite chronique est disponible en baladodiffusion sur votre ardoise numérique. Ça existe depuis longtemps. Oui, en baladodiffusion, c'est ce que je dirais maintenant. Voilà. Vous pourrez d'ailleurs toujours raconter à vos amis que cet après-midi, vous êtes allé au cinéma voir le dernier Casse-Brique de Stéphane Joumontagne et qu'ensuite, vous avez bu des genièvres toniques pendant l'heure joyeuse, tout en regardant distraitement la partie de balle au pied. Oui, les hipsters, pardon, les azous, vont adorer. La deuxième bonne nouvelle, cependant, c'est que ce Brexit linguistique risque aussi de faire les choux gras de la chanson française, déjà exsangue depuis pas mal d'années. Oui, parce que privée d'anglais, la bande FM deviendrait alors une autoroute pour les reprises de succès en bon François. On apprend ainsi déjà que Bertrand Cantat s'est jeté sur l'occasion. Il a annoncé une reprise du tube de Britney Spears, Frappe-moi encore une fois bébé. Oh un titre qu'il chantera en duo avec Bernard Westphal. Je dois avouer que ma solitude me tue, me tue. Plus fort encore, Jean-Charles Luperto qui a annoncé lui qu'il pousserait la chansonnette pour payer ses frais d'avocat. On a d'ailleurs déjà la démo sous le coude. Jeune homme, pas besoin de se sentir mal. Je l'ai dit. Jeune homme, viens butiner la lune. Je l'ai dit. Jeune homme, t'es dans une nouvelle vie. Ah, on redécouvre les tubes. Hein. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et la dépêche vient de tomber d'ailleurs, après ces fracassantes reprises de Barbara, fracassantes ou fracassées, c'est selon, Patrick Bruel reprendra Lady Gaga dans un album qui s'annonce déjà très autobiographique. Il peut pas, il peut pas, non il peut pas, lire ma face de poker. Elle doit aimer personne d'autre. Il peut pas, il peut pas, il peut pas lire mon visage. Madame Gaga. Madame Gaga, ah ouais. Elle Madame doit Gaga. Aimer personne d'autre. Ah oui, face de poker, Patrick Bruel, on comprend mieux. Bref, ah oui, voilà. Donc si toi aussi tu rêves de devenir une étoile du caillou qui roule, eh bien prends ton bécherel et va t'inscrire à La Voix la saison prochaine, car le français, mon ami, c'est l'avenir. Si tu veux être mon amant, plais à mes amis. Une chronique à réécouter en balado-diffusion parce que effectivement, nous, dans le studio, à chaque fois que vous faisiez les traductions simultanées en linguistique, passant de l'anglais au français, ben, j'étais en train de traduire dans ma tête en disant « En anglais, ça donne quoi ?» Donc voilà, réécoutez ça Walid, en balado-diffusion sur le rtv.be/ovio. Les extraits que Cindy nous a passés, c'est un groupe qui reprend donc des chansons anglaises avec, en mettant les paroles au français, et le groupe s'appelle Les Presque Vrais. Pas donc vrai. Ça vaudrait le coup de les inviter. Ah, ben écoutez, voilà, allez, on mettra... Et ça marche. On mettra un petit extrait sur la page Facebook de l'émission. L'émission touche justement presque à sa fin, mais il reste encore un mot. Et oui, et pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui, nous décernons les Philippe en ce vendredi. Cette conversation est terminée. Est terminée. Eh oui, vendredi oblige. Une actualité vous a marqué. Une personnalité vous a agacé. Oui, mais laquelle? Et vous décernez ce Philippe à qui? Philippe à qui? Daniel. Hein, 1962. Eh oui, quand même. Raoul Reyers, à qui? À Jack Daniels. Il est pas mal, celui-là. Ouais, pourquoi? Parce que la marque de Bourbon, à mi 150 ans, a révélé que, en fait, sa vraie recette avait été créée par un esclave. Pas vrai? Et pas Jasper Newton Jack Daniel, qui avait soi-disant... créer cette recette de whisky chez un pasteur épicier. Vous savez comment il est mort? Non. Ah ben, en fait, il s'est cogné. C'est vrai? Oui, il a tapé dans son coffre, il voulait prendre de l'argent, il s'est cogné, en fait, il est mort à cause de ça. Enfin, il s'est cogné, ça a gangréné, il est mort comme ça. Enfin, il est mort stupide. Et il ne s'est même pas mis du whisky. Non, mais justement, au départ, il pensait qu'il pouvait soigner avec ça, puis en fait, il est décédé comme ça. Mais allez, là, peut-être que je suis en train de vous raconter une histoire comme Vincent Flibustier. Mais vérifiez. Cynthia Rizzarelli, Philippe de la semaine. Philippe de la semaine, oh, écoutez, on va dire Bolloré, parce qu'il continue à m'énerver. Ah, bah écoutez, voilà, on sait que vous n'irez pas travailler sur Canal+. Bolloré, ça fait un peu maladie. Canal Plus qui va devenir C8, hein, si j'ai bien compris. Non, ça c'est D8 qui va devenir C8. Ou c'est moins. Ouais, je comprends plus. Ou c'est 4. Un croiseur touché. Catherine Ronvaux. Pour rester avec les femmes, il paraît qu'on n'a pas, les petites icônes pareilles que les hommes. Vous savez, on a des hommes qui sont représentés au travail, mais les femmes n'ont pas de représentation. Au travail. Et donc vous remettez un Philippe à qui? Et donc ceux qui décident que les travailleurs, ça ne peut être que les représentations masculines. Alors à quand une petite travailleuse dans le bâtiment avec des petites couettes? Mais vous avez raison. Voilà, des petites choses comme ça, ça peut être sympa. Dénonçons. Sergio Noré, dénonçons. Philippe de la semaine pour eh vous. Eh bien c'est à l'UEFA, à l'ATP, au JO. Mais allez, regardez comme c'est mal foutu, dites. Il y a Wimbledon en même temps que l'Euro. Il va y avoir le Tour de France en même temps que les JO. Et Où voulez-vous qu'on regarde ? Trop de sport, tu le sport. Mais oui, je le dis chaque fois. Trop de sport, tu le sport. Mais vous ne pas en faire. Vincent Flibustier. Eh bien, moi, c'est klaxon, puisque ce soir, je suis de tout cœur avec vous, chères personnes qui klaxonnent dans les rues après les matchs. Je sais que vous souffrez de dysfonction érectile. Nous pensons fort à vous, mais ce n'est plus la peine de klaxonner dans les rues. Si, klaxonnez. Ça, voilà, vous écoperez peut-être d'une amende de 50 euros. Mais klaxonnez quand même et faites du bruit. C'est plus que pour ça. Les Belges qui joueront ce soir face au Pays de Galles, ravis d'avoir passé cette semaine et cette journée. Presque sérieuse avec vous. On se retrouve, nous, lundi entre 16h et 17h30 pour un nouveau numéro de C'est Presque Sérieux. Et oui, nous ne prenons pas encore de vacances, en tout cas si c'est votre cas. Passez d'excellentes vacances, une belle fin de semaine à l'écoute de la première. Sans plus attendre, c'est Pascal Claude qui vous informe pour Soir Première. La première prend l'air. Première escale, couleur café. Dominique Ragueb. Au programme, des invités, notamment Youssoundour ou encore Fefe. Le tout en musique, avec un retour sur 26 années de festival. Je vous donne rendez-vous ce vendredi de 19h30 à 20h et samedi et dimanche de 15h à 17h30. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 2% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. En télé sur la Une. Tour de France 2016. Du 2 au 24 juillet, vivez en direct les 21 étapes de la Grande Boucle. Un parcours exceptionnel avec pas moins de 9 étapes de montagne. Le Tour de France 2016, dès ce samedi 2 juillet, en direct sur la Une. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Vous avez tout pour vous. La première. Bon vendredi, nous sommes le 1er juillet, premier jour des grandes vacances, jour clé pour les Diables Rouges. Il est 17h30 sur la première et c'est parti pour un numéro de Soir Première en noir, jaune, rouge forcément. Soyez les bienvenus. Jusqu'à 19h30. Soir Première. Pascal Claude. Du noir, jaune, rouge dans les